Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Une grenade lancée la nuit dernière au quartier Bouguizan, mairie de Bujumbura, a fait plus de peur que de mal. Un véhicule de la police était visé. Trois collecteurs de café série sont au cachot de la police judiciaire d'Ngozi depuis la nuit dernière et pour cause, ce sont deux mauvais payeurs. Les écoles à régime d'internat en province Mungaro ne sont pas prêtes pour la rentrée scolaire prochaine. Elles éprouvent des difficultés liées au logement et à la restauration des élèves. Et à Rumwangé, dans le même secteur de l'éducation, des enseignants disent avoir été mal préparés pour être efficaces dans le cycle post-fondamental, alors qu'ils n'ont même pas de manuel pédagogique. On en saura davantage avec nos correspondants respectifs. Nous irons hors de nos frontières, notamment en République démocratique du Congo, où la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans ce pays, condamne les violences faites aux manifestants hier à Kinshasa. Et à la fin de ce journal, dans la chronique santé, ce mardi, Dr Léopold Ndéokougaï, pédiatre, nous donnera des éclairages sur la maladie dite les oreillons. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, une grenade a été lancée la nuit dernière vers 20h45 à la 3e avenue numéro 78 de la zone urbaine d'Obgiza. Cette grenade a été lancée tout près d'un véhicule de la police qui est égaré au même endroit. Ce véhicule a été légèrement touché selon le porte-parole adjoint de la police. Moïse Nkurunziza salue l'attitude de la population des environs qui a tenté d'arrêter ceux qui ont lancé cette grenade sans succès. Il précise que ces derniers ont lancé une deuxième grenade en prenant le large. Une fouille et perquisition a été opérée ce mardi matin sur les 2e et 3e avenues de la même zone de Giza. Aucune arme n'a été saisie. Et encore d'un nouveau-né a été retrouvé dans la matinée de ce mardi dans la zone Nyakabiga, la 11e avenue, dans un canal d'eau. Les sources sur place indiquent ignorer la provenance de ce corps. L'administration zonale a par la suite organisé l'extraction de ce corps sans vie. Je vous l'avais dit, les écoles à régime d'internat de la province Mungaro font face à certaines difficultés au moment où le début de l'année scolaire 2016-2017 pour les écoles publiques approche. Ces difficultés concernent notamment l'état des matelas et le coût des produits vivriers qui a augmenté sur le marché, selon le directeur provincial de l'enseignement dans cette province, d'où nous appelons notre correspondant Laurent Dicourio. Parmi les défis auxquels font face les écoles et systèmes d'internat de la province Mwaro, il y a l'insuffisance de matelas dans les dortoirs. Le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro, Saratien Nakamurenga, dit que, à part ces matelas qui sont insuffisants par rapport à l'effectif des élèves internes, la plupart sont vieux. Il indique que ces écoles devraient être équipées à nouveaux matelas par le ministère de tutelle. Il interpelle également tout bienfaiteur qui est apte à donner un coup de pouce à cette matière. Le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro souligne en plus que les ustensiles culinaires comme les mouvelots sont vieux, ce qui entraîne des fois la perte de temps et la perturbation du programme d'activité à l'école. Un autre défi auquel font face ces écoles à système d'internat de la province Mwaro concerne la cherté des vivres. Le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro dit qu'avec la flambée des prix de ces produits sur le marché, alors que les subsides donnés par l'État à hauteur de 800 francs par élève et par jour sont minimes, il est difficile d'assurer l'alimentation des élèves à l'internat. Avec ces subsides qui ne permettent pas d'avoir des reliquats, le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro dit que la plupart des écoles à internat de cette province ont des arriérés de dettes non payées à la régie des eaux concernant la gestion de l'eau et du courant électrique. Signalons que la province scolaire de Mwaro dispose de 5 écoles à système d'internat, à savoir le lycée de Mwaro, le lycée Mouyewe, les Nak Kiwimba, les Nefa Kiwumbu et l'Itab Kirika. De Mwaro, Laurent Dicourio, Radio Sanganiro. Merci Laurent. Et en province de Bururi et Parumongue, comme je le disais dans les titres, certains enseignants qui vont prester dans les premières années du poste fondamental dans cette province de Bururi se lamentent qu'ils auront du mal à s'acquitter de leurs tâches à la prochaine rentrée scolaire. Certains disent qu'il n'y a pas de manuel scolaire et d'autres n'ont même pas été formés sur la nouvelle méthodologie. Le directeur provincial de l'enseignement à Bururi espère que les manuels scolaires seront bientôt disponibles. Jean-Pierre Misago. Certains parmi les enseignants affectés dans les premières années du poste fondamental ont suivi pendant 5 jours une formation sur la méthodologie à utiliser à ce niveau. À part que cette période était jugée minime pour intérioriser cette nouvelle méthodologie, les enseignants disent qu'ils n'ont ni programme, ni fichier du maître, ni livre pour élèves pour se préparer. d'autres enseignants disent qu'ils n'ont même pas été formés en cette nouvelle méthodologie. Certains directeurs d'écoles contactés disent que les inquiétudes de ces enseignants sont fondées. Cependant, ils sont dans l'obligation d'y affecter des enseignants qualifiés dans les différents cours et devront se débrouiller pour se familiariser avec la nouvelle méthodologie. De son côté, Firmin Bouchoumi, directeur de l'enseignement en province de Bururi, dit qu'il doit y avoir un réaménagement dans l'attribution des cours, quitte à prioriser ceux qui ont suivi la formation méthodologique de ce niveau. Concernant les manuels scolaires, Firmin Bouchoumi espère que le ministère concerné s'active pour les disponibiliser avant la rentrée scolaire. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Droits de l'homme dans la suite de ce journal. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a remis officiellement à l'administration de Muyinga le cachot de la police judiciaire réfectionné par cette commission avec l'appui de USAID. Le commissaire de la police judiciaire reconnaît que cette infrastructure est très exiguë car elle abrite près de 40 personnes alors qu'elle n'a été construite que pour une capacité d'accueil de 10 personnes. Il demande aux partenaires de continuer à aider dans ce sens, car jusqu'à l'heure actuelle, les femmes sont gardées au commissariat de police, faute de place dans ce cachot. Et deux personnes, dont une certaine Nzeima Nagodlive, 53 ans, habitant Boukéyé en commune de Nyanzalak, de la province Makamba, ont été transférés du cachot de la police de Nyanzalak vers celui du service national de renseignement à Bujumbura. C'était le soir de ce lundi. Au niveau du service national de renseignement à Rumonge, l'on confirme ce transfert, même si un des membres de la famille de Nzeima a affirmé ce mardi matin qu'ils n'avaient pas encore vu leur parenté. Ces personnes avaient été arrêtées par les militaires du camp de Nyanzalak l'après-midi de ce samedi à Boukéyemem. Cette femme était accusée d'abriter un malfaiteur de renom. Et trois collecteurs de café cerise ont passé cette nuit au cachot judiciaire de Ngozi. Ils sont poursuivis pour n'avoir pas payé les caféiculteurs qui leur ont fourni le café depuis l'année passée. Ces derniers observent depuis hier en sit-in devant les bureaux du gouverneur de la province à Ngozi, d'où nous appelons notre correspondant Apollinaire Muzagara. Les trois hommes sous les verrous sont Jean Vitario, Anissène Nikumana et Liber Manilakis. Ils ont été arrêtés ce lundi après avoir été avec des caféiculteurs au domicile d'un certain Cresson Manichagne en ville d'Ongo. Ce dernier est celui qui a acheté son café selon les trois hommes en prison. Hélas, il n'était pas à la maison et son téléphone portable était éteint jusqu'à maintenant. Les hommes collecteurs de café indiquent qu'ils ont fourni à cet opérateur économique à peu près 115 tonnes de café cerise à un prix de 550 francs boule au kilo, comme convenu. Leur doit donc actuellement, selon eux, plus de 63 millions de francs boule depuis l'an passé, somme représentant les frais des caféiculteurs et la rémunération de ces collecteurs sous les verres. Ils demandent par conséquent à l'administration et à la police d'Ongozi de tout faire pour mettre la main sur cet homme afin que la population et eux-mêmes soient réhabilités dans leur droit. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Certains commerçants du petit marché sis au quartier Magarama dans la ville de Gitega ne sont pas du tout satisfaits de la mesure prise par l'administration de les installer au marché central de Gitega dans une place qu'ils disent trop exiguë. Le chef de la zone urbaine de Gitega fait savoir que ce petit marché du quartier Magarama a été aménagé uniquement pour ceux qui vendent les vivres. Arthur Kavabouchi. Ce petit marché du quartier Magarama est situé au bord de la route qui va vers Bujumbura et parmi ceux qui y travaillaient, il y a les vendeurs de nourriture, les vendeurs d'habits, de chaussures, ainsi que les tailleurs. Ceux qui ont été chassés sont les vendeurs d'habits, de chaussures et les tailleurs, et sont à peu près 50. Tous disent que c'est une décision de deux poids, deux mesures, étant donné que tous ceux qui y vendaient payaient la taxe communale au quotidien. Quant à la place qu'ils sont appelés à s'implanter, se trouvant au marché central de Gitega, ils indiquent qu'elle est trop exiguë et ils demandent à l'administration, par conséquent, de leur trouver une place un peu grande. Actuellement, ces vendeurs se sont réfugiés provisoirement près de la clôture d'une maison se trouvant au quartier Magarama appartenant à une autre personne et ils doivent payer le loyer. Souligne qu'ils ne sont pas tranquilles du fait qu'à tout moment, les agents de l'administration peuvent venir les chasser. Les commerçants indiquent que pour le moment, ils ne savent pas à quel fin se vouer du moment que ce travail qui leur aidait à faire vivre leur famille. Boutoy Houssen est le chef de la zone urbaine de Gitega. Il fait savoir que l'administration a aménagé le petit marché du quartier Magarama uniquement pour les vendeurs de tomates, légumes, pommes de terre et autres sortes de vivres, mais que pour eux, aussi une décision provisoire, étant donné qu'il y a un projet de supprimer les petits marchés des quartiers afin que tout commerçant exerce son commerce au marché central de Gitega. Sachez que dans les places qu'occupaient ces vendeurs d'habits, chaussures et tailleurs, maintenant il y a des policiers pour que ces vendeurs n'y retournent pas. Arthur Kavabushi Gitega à Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale au Gabon, Pascaline Ferry Bongo, sœur du président sortant, se trouve dans les difficultés de choisir entre Ali Bongo Ondimba et Jean Ping. En République démocratique du Congo, la MONUSCO condamne les violences faites aux manifestants au cours des manifestations qui ont eu lieu ce lundi à Kinshasa. Et au Maroc, les islamistes de justice et bienveillance appellent à boycotter les législatives. Les détails avec Grace Nyonzima. Au Maroc, les élections sont prévues le 7 octobre dans cette année. Ces élections sont organisées selon une constitution qui consacre la tyrannie, affirme le groupe islamiste connu pour son opposition pacifique à la monarchie. Pour Jeune Afrique, les pouvoirs réels sont aux mains du palais royal et non pas aux mains du gouvernement. Une trentaine de partis politiques devraient prendre part aux élections législatives qui s'annoncent comme un duel serré entre le parti PGD et les libéraux du parti PAM. Lors du précédent scrutin de la fin 2011, le parti PGD avait remporté un succès historique. Selon BBC Afrique, après la répression des manifestations contre le pouvoir du président Kabila de ce 19 septembre en RDC, la MONUSCO a fermement condamné les pertes en vies humaines. Elle appelle les partis en présence à se mettre autour d'une table pour discuter afin de ramener la sérénité dans le pays. À la veille de l'élection au Gabon, Pascaline Mouferi Bongo est apparue au bras de son compagnon, l'ancien ministre Paul Tungi, lors du meeting de clôture de la campagne de son président de frère. Selon le Jeune Afrique, Pascaline Mouferi Bongo et Paul Tungi ont fini par rejoindre Jean-Paul Ping, son rival qui lui a toujours fait de l'ombre dans le cœur de Pascaline. Sa position n'est plus confortable entre le fratrie Bongo et Ping, qui demeure le père des enfants de sa campagne. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique santé ce mardi, nous parlons des oreillons. Cette maladie virale contagieuse touche beaucoup plus les enfants que les adultes. Le pédiatre Léopold Barutkwanayo, et non Diokugayo, comme je le disais dans les titres, explique qu'il s'agit d'une maladie qui s'attaque une fois dans la vie et qui peut provoquer des complications sérieuses chez les adultes. Il l'a dit à Francine Diokugayo, et vous comprenez par là le lapsus que j'ai fait. Les oreillons sont une maladie infectieuse virale très contagieuse. La maladie touche le plus souvent les enfants, d'après le pédiatre Léopold Barutkwanayo. Le virus des oreillons se transmet par la salive, comme il l'explique. Quand une personne est en contact avec une salive d'une autre personne qui est infectée par le virus, et qu'en parlant, les gouttelettes de salive, l'autre personne entre en contact avec ces gouttelettes de salive, le virus va se multiplier au niveau de la bouche, au niveau pharyngé, et puis après quelques jours, le virus va se disséminer dans le sang et provoquer les symptômes qui sont en rapport avec cette maladie. C'est une maladie hautement contagieuse. Les oreillons touchent plus particulièrement les enfants que les adultes, car la personne déjà touchée acquiert une immunité pour le reste de sa vie. Elle concerne les enfants de 2 à 12 ans, avec un pic vers 4 à 5 ans. C'est par contre une maladie aussi qui peut toucher les adolescents ou même les adultes, même les vieilles personnes. C'est une maladie qui est immunisante. Une maladie immunisante, c'est-à-dire que c'est une maladie qui, quand on l'attrape, le corps développe des anticorps qui vont faire que l'organisme va se défendre ultérieurement s'il devait rentrer en contact avec ce microbe. Et du coup, comme c'est une maladie très contagieuse et que la plupart des personnes ont déjà été en contact avec ce microbe, ils ont forcément développé une immunité et qui fait qu'effectivement les personnes adultes, du moment qu'on estime que pour la plupart, ils ont déjà été en contact avec ce virus. Le pédiatre Léopold Barutkwanayo nous parle des signes qui caractérisent cette maladie. Il s'agit d'un gonflement des ganglions qu'on appelle les parotides. Les parotides sont des glandes qui fabriquent la salive, qui sont en dessous des oreilles, un peu plus en avant, et qui gonflent, qui deviennent douloureux. En plus de ça, il y a de la fièvre, on peut avoir des maux de tête, qu'on appelle les céphalées dans le langage médical. On peut avoir des courbatures, comme dans toute autre infection virale. On peut faire aussi des vomissements. Une maladie bénigne, mais qui, dans certains cas, peut entraîner des complications graves, surtout chez les adultes. Surtout les jeunes adultes hommes. Il peut entraîner ce qu'on appelle une orchite, une inflammation des testicules, qui peut prendre les deux testicules et qui peut se compliquer de stérilité secondairement. On peut aussi avoir une atteinte d'autres glandes, notamment le pancréas, et ça va entraîner ce qu'on appelle une pancréatite. La pancréatite entraîne pas mal de symptômes digestifs, notamment les vomissements, des douleurs atroces abdominales. Ça peut entraîner une méningite liée au virus des oreillons, ce qu'on appelle une méningite ourlienne. On peut avoir par contre aussi chez la femme enceinte, surtout pendant le premier trimestre, ça peut être source de fausse couche. Le pédiatre Léopold Obarutwanayo fait savoir qu'il n'y a pas de traitement spécifique aux oreillons. Cette maladie peut être soignée même à la maison. Chez les enfants, on peut soigner facilement le virus des oreillons à la maison avec des traitements symptomatiques, parce que c'est ça le traitement en fait des oreillons. C'est un traitement à base d'antidouleur, un traitement symptomatique de la fièvre s'il y a de la fièvre. C'est une maladie virale, donc il n'a pas besoin d'antibiotiques. On traite les signes. La prévention est aussi possible, selon toujours le pédiatre Barutwanayo. Pour ce qui concerne les enfants scolarisés ou qui sont dans les collectivités, c'est d'éviter justement d'envoyer un enfant qui présente ses symptômes à l'école. Il faut qu'il soit retiré de l'école pendant quelques jours. Le seul problème par rapport à cela, c'est que la contamination commence même avant l'apparition des symptômes. Une semaine avant l'apparition des symptômes, l'enfant peut contaminer les autres enfants. Autre chose, il faut éviter que les enfants puissent échanger des objets qu'ils portent à la bouche avec les autres. Et puis, une autre prévention qui n'existe peut-être pas chez nous, c'est la vaccination. Tout ce qui est gonflement en dessous des oreilles ne signifie pas forcément maladie des oreillons. Le pédiatre Léopold Obarutwanayo conseille aux parents de faire confirmer le diagnostic à l'hôpital. Merci Francine, merci docteur Léopold. Ainsi se referme ce journal. J'en rappelle les grandes désarticulations avant de nous séparer. Une grenade lancée la nuit dernière au quartier Buisa, à mairie de Bujumbura, a fait plus de peur que de mal. Un véhicule de la police était visé. Trois collecteurs de café série sont au cachot de la police judiciaire de Ngozi depuis la nuit dernière. Et pour cause, ce sont de mauvais payeurs. Les écoles à régime d'internat en province Mungaro ne sont pas prêtes pour la rentrée scolaire prochaine. Elles éprouvent des difficultés liées au logement et à la restauration des élèves. Et à Bururi, dans le même secteur de l'éducation, des enseignants disent avoir été mal préparés pour être efficaces dans leur cycle post-fondamental, alors qu'ils n'ont même pas de manuel pédagogique. Et en actualité internationale, notamment en République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies dans ce pays condamne les violences faites aux manifestants hier à Kinshasa. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Nadia Sabimana et Toussaint Mitevoti pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.